Check it out. Check it out. Pleure, pense, souris, vis comme une personne normale. A priori, bien sûr que j'ai des défauts. Et en voulant être vrai, on devient de plus en plus faux. Les événements font, tu passes de l'homme calme au fauve. Plus rien ne pourra te sauver. Là même pour tous, riches ou pauvres, conscients ou inconscients, aborder l'avenir confiant. Montrer l'exemple devant ces jeunes méfiants, voyant les siens, les liens se détruire avec le temps, on apprend, on comprend, va différemment. En grandissant, tu perds la couleur de tes yeux d'enfant. Moi comme beaucoup, je crois à ce que je vois. Je crois que pour réussir, faut pas rester croiser les doigts, être toujours en attente, avec la sensation d'être à l'étroit. Un cauchemar ou une réalité, une vie de bâtard ou une simple étape à passer. Pour ma part, j'essaie de rêver. Quelles sont nos chances si on ne se tend pas la main à faire la guerre? Dis-moi à quoi ressemblera demain. C'est vrai, on veut le meilleur en étant capable du pire. Les mentalités changent, nos chances de réussite au pire. C'est vrai, pourquoi se laisser faire? Il faut agir mes frères, ou la victoire restera un mystère. La chance est passagère, guerre, misère. On choisit pas son destin, on choisit pas sa terre. Ouais. Pleure, pense, souris, tout d'une personne normale a priori. Mais nos vies nous différencient. Par chance, certains ont réussi et d'autres pas en vie. Le tout est d'avancer droit, ne pas gâcher sa vie. Malgré une part de chance, y'a la façon dont t'agis. Parfois tragique, on n'a pas toujours ce qu'on mérite. Dis-toi qu'avoir des difficultés apporte plus que trop de facilité. Où trouves-tu le goût à avoir tout d'un coup? Gagner sa vie sur un bien hérité. Pas de chance, moi mes parents ne sont pas héritiers. Donc passe ta vie à trimer. T'occupe pas des putes en train de frimer. Vise à atteindre ton but, ouais, va jusqu'au bout et gagne la lutte, reste pas les pieds. Et sur la lune où la chance passe sous ton nez. C'est regretter, regretter pour réapprendre. Quelles sont nos chances si on se tend pas la main à faire la guerre? Dis-moi à quoi ressemblera demain. C'est vrai, on veut le meilleur en étant capable du pire. Les mentalités changent, nos chances de réussite au pire. C'est vrai, pourquoi se laisser faire? Il faut agir mes frères, ou la victoire restera un mystère. La chance est passagère, guerre, misère. On choisit pas son destin, on choisit pas sa terre. Ouais. Il ne suffit pas d'un trèfle à quatre feuilles. Il ne suffit pas d'une belle vie ou d'un gros portefeuille. Il ne suffit pas d'attendre que ça tombe du ciel, que la vie te porte sous ses ailes. Ne te plains pas sur ton sort, trop de personnes restent sous chez elles. Les drogues dures ou douces ne rendent pas la vie plus belle. Où sont tes chances dans un monde où les erreurs se comptent à la pelle? Où l'on laisse courir violeurs et criminels? Où l'on baisse tout ce qu'on veut quand on pèse dans ce milieu? Si c'est qu'une question de chance, je crois qu'il y a beaucoup d'envieux. Mais en vérité, quel est l'enjeu? Comment avancer si on t'a bandé les yeux? Libère-toi, fais les bons choix, éloigne-toi de la mauvaise voie. N'attends pas le trépas, dis-toi que la chance tournera. Interprète tes rêves et tu verras la vérité. L'avenir n'est pas bien loin de là. Quelles sont nos chances si on se tend pas la main à faire la guerre? Dis-moi à quoi ressemblera demain. C'est vrai, on veut le meilleur en étant capable du pire. Les mentalités changent, nos chances de réussite au pire. Pourquoi se laisser faire? Il faut agir mes frères, ou la victoire restera un mystère. La chance est passagère, guerre, misère. On choisit pas son destin, on choisit pas sa terre. Ouais.